cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhadna ams al-qa'ida al-thalitha. Fama hiya? ثبوت ذلك الاسم ثبوت صفات الاسماء اسماء الله ثبوت الصفة ثبوت الصفة ثبوت الصفة التي تضمنها لله أي ذلك الاسم والثالث زد ثبوت حكمها حكمها ومقتضاها هذه قاعدة ونادي مهمة ما معنى هذه القاعدة؟ فما معنى الوصف المتعدي؟ الصفة التي لها أثر على الغير مثل ماذا؟ مثل الرحمة فما هو الأثر؟ نعم أن الله يرحم من يريد فالقاعدة إن كان هذا الاسم يدل على وصف متعدي أي سنو إلى انقلب إن صفة متعدية أي أن أتخبو كي أن ليان أبك لكرياتور مثلا الرحمة الله في ميزيغيكوردا كيبو فهذا لابد من ثلاثة أمور تفضل تبوظ ذلك الاسم نعم لأن الله سبحانه وتعالى أو رسوله أثبته مثلا الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زد لماذا أحسنت لأنه نعرف قاعدة أن أسماء الله كلها حسنى أي تتضمن صفة كاملة كذلك نعرف قاعدة أسماء الله أعلام وأوصف فلا بد دك تأتخبو أنه الله سبحانه وتعالى سنو يغفر من أتخبو بخف لا بد هذا سن قاعدة تفضل زيد الثالث مقتضى وأثره الحكم والمقتضى الأثر ما معنى هذا نثبت حكم هذا الاسم أو هذه الصفة ومقتضاها أي مقتضى هذه الصفة ما معنى هذا نعم أي أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل مثلا الله يرزق فتؤمن باسم الرزاق كذلك الله إلى لاتخبو دو إذا الرزق كذلك لا تخوازم شر تؤمن بالحكم وبالمقتضى أي الله يرزق كيف من مخلوقاته أساس هذه القاعدة الإسلام في الحقيقة فلماذا العلماء يسد مثل هذه القاعدة نعم لأن أهل الضلال لأن أهل الضلال أنكروا الصفات أنكروا الصفات فالعلماء يموت خلنا سي تكسبت سنود الله سبحانه وتعالى مثلا الرحيم سامبليك اوتوماتيكمون اون صفة الرحمة استو رحمة لا شك أنها لا أثر وإن كان الوصف وصف هذا الاسم غير متعدي شوفك خواهو En combien de choses ? En deux choses. La première chose ? Le nom. Et la deuxième chose ? Ahsan, l'attribut qui est englobé par ce nom. Misal, un exemple ? Celui qui entend. Bil Arabiya al-Samia. Applique la règle. Première chose, tu crois ? Tu crois quoi ? Au nom. السميع وهو السميع البصير. La deuxième chose, la tribu qui est en arabe as as-sam'. Thumma, khalas. Il n'y a pas de troisième chose. Est-ce qu'il y a un lien ou il y a un athar entre la sifa et al-makhlouqat? Indaman. Naam. C'est quoi? Naam. Qad sami'a Allahu qawla allati. Fahadha fi al-haqiqa, on le met dans quoi? Sami'a. Dans l'ism alladhi lahu wasmun ta'addi. Fa sami'a, il englobe trois choses. Nous on voit un exemple des deux. T'as un autre exemple? Al-'azim, sifat al-'azam. Les qawaïd, elles sont simples, ya jama'a. Fa hakadha, vous avez compris, wallahi alham. Qala al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. القاعدة الرابعة, كاتخيام غجل دون لنو, دلالة الأسماء أو دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. استقاعدة أولا, أنا بخاصة في أسماء الله أو بأسماء الله كما قال شيخ ابن عثيمين في الشرح رحمه الله. هذه سن قاعدة في الألفاظ, دلالة الألفاظ, كساسوا نود الله أطخ. قال شو من الديمين, دلالة أسماء الله تعالى على ذاته, ساس أولا ألا للود الله كمنادي إدزين الله ولو يا تخطنو مثلا نسي تخطنو ça veut pas dire qu'il y a 30 إله comme ils ont dit المعتزلة الظلال. لا, لأن tous ces noms إدزين الله سبحانه وتعالى. On dit Bismillah, ay Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est Allah. Qala wa sifati takun bil mutabaqa wa al-tadhammun wa al-iltizam. Al-an, on doit comprendre ces trois mots. Al-mutabaqa wa al-tadhammun wa al-iltizam. Awalan, on commence par al-mutabaqa. Qala fil hashiya, on lit la première. Qala dalalatul mutabaqa, hiya dalalatul lafz على تمام المعنى الذي وضع له. مثلا الخالق سان لفظ دون لونغ اراب سو لفظ سا سابل الى ان دلاله بالمطابقه اي الخالق يبغى غونفيرمي دو شوز لو نو الخالق ان وضع الله كذلك لا صفه الخلق كما اون افيو اوبارافون سا سا سابل المطابقه اي دلاله اللفظ على تمام المعنى على تمام المعنى اي tout ce qui renferme un nom et un attribut لله عز وجل. Et il va citer Cheikh Ibn Taymiyyah l'exemple du Khaliq. فالمطابقه دلاله اللفظ على تمام المعنى اي ça renferme tout le sens du nom, tu prends pas qu'une partie. Contrairement au deuxième, قال دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على جزء معناه الموضوع له. Et une partie de ce qui referme ce nom, ça va s'appeler At-Tadhammun. Et il englobe cette chose. Et il englobe d'autres. Amma, le premier, il englobe tout. Ça s'appelle Al-Mutabaqa. Fa matalan, si je vous demande, Ismul Khaliq, Dalala At-Tadhammun, ça va donner quoi? Ismul Khaliq, Dalala At-Tadhammun. Et ça va être une partie du sens, faqat. Ou une partie de ce qui renferme ce nom, faqat. Mathalan, al-khalq. Tu comprends de khalq, bil-tadhammun, annahu lahu sifat al-khalq. Amma, si tu cites tout, on revient au premier. Troisième chose, dalalat al-iltizam, ou dalalat al-iltizam. Wahia, qal dalalatun, ou dalalatun lab. على امر خارج عن معناه لازم له. Troisième chose, ce nom, مثلا الخالق, on a dit بالمطابقه tu comprends que c'est un nom d'Allah et un attribut. Thumma bittadhammun, tu comprends une de ces deux choses. Aïe ismul khaliq yatadhamman sifatul khaliq. Ou ismul khaliq, sans citer l'autre. Al-intizam, qal dalalat al-lafd ala amrin kharij. Aïe ce ism, il va impliquer d'autres choses. Ce ism al-khaliq, il va impliquer d'autres choses. C'est qu'un exemple. Al-Khaliq, ça va impliquer quoi? Celui qui crée, ça va impliquer automatiquement qu'il est Ahsan, qu'il a de la quwa, qu'il a du ilm. Laboud, il a la qudra, il a la capacité. Laboud, ça c'est des choses, on les a déduites de ce ism. Celui qui a ism Khaliq, ça implique qu'il a des autres qualités. Si vous avez compris, on applique ça sur. On applique la qaïda avec un nom d'Allah Azza wa Jalla. Qal Cheikh Ibn Taymiyyah, Mithalu dhalik, Al-Khaliq, Yadul ala dhatillah, wa ala sifat al-khalq, bil mutabaqa. Ça c'est la première dalala, al-mutabaqa. Al-mutabaqa, on avait dit, dalalatul lafd ala tamam al-ma'na. C'est tout ce qui renferme ce nom. Ce nom, il désigne Allah Azza wa Jal, c'est un nom parmi ces noms. Kadhalik, il renferme un attribut d'Allah Azza wa Jal, sifat al-khalq. Ça, c'est bil mutabaqa. Deuxième chose. Qal wa yadul ala al-dhat wahdaha wa ala sifat al-khalq wahdaha bit-tadhammun. Aïe, ce nom Khaliq, tu comprends que Allah parmi ses noms al-Khaliq, kadhalik, tu comprends bit-tadhammun. أنه إلى صفة الخلق قال شيخ ابن عثيمين ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام قد يقول قائل يعني من أين أو دو سي فنو سي دو صفات العلم والقدرة sans bien sûr il y a des adillah dans le kitab al-sunnah lakin avec notre règle al-khaliq il peut pas être khaliq illa بالعلم والقدرة العلم التام المطلق يكون التوع عز وجل هي القدرة المطلقة c'est pour ça que le خالق il est unique فالخالق لابد له من علم وقدرة لابد c'est pour ça que les créatures elles peuvent pas créer هذا c'est مفهوم الآن on donne un exemple autre que les noms d'Allah حتى vous comprenez القاعدة مثلا on fait le schéma d'une maison. Si on applique la règle, ce nom, dès que tu entends maison, baytun, tu vas avoir trois dalal. Al-mutabaqa, wa-tadhamman, wa-l-iltizam. Qui c'est qui nous cite dalalat? La première, al-mutabaqa, la maison. Faddal. Nous, on est dans ce qui renferme. Ahsant. Hada al-bayt l'an. Matalan. Ça, c'est une chambre. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est. Il y a un étage, matalan. Al-bayt. Si tu appliques dalalat al-mutabaqa, t'entends le mot bayt, tu sais qu'il y a un bayt, et en même temps, tu sais qu'il y a une cuisine, une chambre et un étage. Ça, c'est dalalat al-mutabaqa. Aïe, le nom est tout ce qui renferme, on vous a dit. Le nom est tout ce qui renferme. Falashak, quand tu entends une maison, automatiquement, une maison, il y a une chambre, il y a une cuisine, c'est une maison. Ama une maison sans ces choses-là, ça ne va plus être une maison. هذا دلالة المتابقة الآن دلالة التضمن سبيت كو فرابور او بيت علي أحسنت لكوزين تنتم بيت تضمن سامبليك ان كوزين فسيش تدي البيت سكوا دلالة التضمن تدي كوزين كم نادي لنوض الله الخالق تضمن صفة الخلق هذا كي سكي ست Une autre chose que tu as compris, min lav al-bayt, avec dalalat al-tadhammun. Hein? Ahsan, t'as un toit. La Bouddha, dans une maison, il y a un toit. Kadalik? Des toilettes, kadalik? نعم دي غرف دي مور لابد هذا لابد اي اون ادي نحن ان دلاله لا بروميير المطابقه سي tout ce que ça implique cette maison ou toutes les ma'ani. Amma at-tadammun c'est une partie. Un tatou c'est une partie. Maintenant si on te dit maison, dalalat at-tadammun tu dis mur. Une maison ça implique des murs. Troisième dalala de cette maison, al-iltizam. Dès que t'entends nous, dès que t'entends ce nom al-bayt, ça implique quoi? Là, ça on l'a dit ça. Ça fait partie de la maison. La terre, Matalan. Matalan, c'est une maison en terre. La terre, ça va être quoi? Ça va pas être Iltizam, ça va être? Hein? Ça va être le deuxième, Tadammun. Et cette maison, elle est faite de terre. Ça implique que quelqu'un construit une maison. Là, cette maison, elle n'est pas venue toute seule. Enfin, la maison, elle implique forcément un maçon. Al-Muhim, quelqu'un l'a fait. C'est ça, Al-Lazim. Maison, elle n'est pas venue toute seule. Enfin, la maison, ça implique un constructeur. Ah, enfin, si vous avez compris ça, enfin, alhamdoulilah. On peut donner l'exemple avec une voiture, maintenant. Ça, c'est une voiture. Tadal. T'entends l'avd al-Siyar. Siyar en arabe, c'est voiture. Tu comprends Bidalalat al-Mutabaka, tu comprends quoi? Tu cites tout. Un moteur, des roues, des sièges. Ça, c'est mutabaka. Mutabaka, on avait dit. Enfin, tu cites pas qu'une chose, là, tout. Thomas, si on te demande dalalat at-tadammun, mutabaka, ça renferme tout. At-tadammun, c'est qu'une partie de cette chose. La voiture, matalat, une partie. Maintenant, une voiture, automatiquement, il y a un moteur. Tu cites une partie de cette chose. Al-Iltizam, cette voiture, Al-Iltizam, c'est ce que ça implique. C'est quelque chose, il n'est pas dans la voiture. Tu ne vas plus parler de voiture, là. C'est quelque chose de l'extérieur. Lakin, il a un rapport avec cette voiture. Enfin, c'est quoi? Le constructeur. Ah, t'as compris. C'est ça. Ça. Lakin, بعض الطلاب احيانا, dès que ça se complique, il baisse les bras. Là, baisse jamais les bras. Écoute, demande, c'est très simple. La question qui se pose, c'est ma faïda de hadi al-qaïda. Il l'a cité fil hachia. Hachia numéro 1, tout en bas de la page. Petit 1, la page d'après. On a lu la première page, al-qaïda. Thomas, la page d'après. ما فائدة هذه القاعدة؟ قد يقول قائل j'ai pas compris grand chose. تضمن متابقة التزام. Il est où الآن le lien avec العقيدة؟ قال المحقق إن كثيرا من أهل البدع من يخاصم بالأدلة الشرعية فلا يقبل ويظن أنه على الحق. Cette قاعدة في الحقيقة si tu l'as compris c'est un رد على أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع si tu leur cites les adillah, imma, ils vont les déformer, imma, ils vont les rejeter. Comme tu le sais. Bayna mu'attil, ou muharrif, ou mufawwad. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Tu vas lui dire al-Rahim, mathalan, ism al-Rahim. Lui va comprendre al-Rahim, ism mujarrad. Il n'y a pas de sifa, il n'y a pas d'athar. Inda. Al-Mu'tazil, al-Mu'attil. Lakin, la langue arabe, dalalat al-alfat, eux ils y croient. Ben, ils se basent beaucoup sur ça. Ben, si tu arrives à lui expliquer avec cette explication qu'il a citée sur le Taimi, ben, il ne pourra plus rien dire. Il y en a, tu lui montres un Allah dans la langue arabe, c'est comme ça. Un nom, on a dit que ce soit les noms d'Allah ou autre, il y a trois dalal. Mutabaka, tadammun ou altizam. C'est toujours comme ça. Prends l'exemple d'un stylo, prends l'exemple de ce livre. Ce livre, si on donne l'exemple, mutabaka, enfin, une couverture avec des feuilles, avec de l'encre, et bitadammun, une page. Kadalik, ça implique que quelqu'un a fabriqué ce livre. Le carton, les feuilles, ça a été fabriqué. Tu le montres, fi asma illah, c'est un love. Matalan, khaliq, c'est un love. Enfin, il englobe un attribut, et يلزم من ذلك سامبليك que celui qui crée il a du ilm et il a de la qudra. هذا tout ça la qaida c'est que pour ça. Si tu as compris هذا فنعمه. Celui qui a pas compris tous les détails seul. Si on te demande la définition tadammun et tu te rappelles plus al amr il est sahl. Ça viendra avec le temps. Donc l'essentiel انت tu sais pourquoi l'ulama il la cite. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل لأن سد دلالة الالتزام خاصة الالتزام سبب تفغير beaucoup de علوم. Tu médites sur les sens des versets, ça implique quoi? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de ulum, beaucoup de science qui va s'ouvrir devant toi. Fa-matalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité annahu khalaqa as-samawati wal-ard dans plein de versets. Thumma, surat al-talaq, qal, li ta'lamu. Aïe, Allah, il a créé les cieux et la terre, li ta'lamu. Aïe, pour que tu saches, ayyuha al-ab, ayyuha al-makhlouq, أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dans ce verset Allah il a cité ce que ça implique خلق السماوات والأرض. فالله c'est le خالق. Ça implique quoi? Qu'Allah il est على كل شيء قدير, il est capable de tout. كذلك il connaît tout. Il n'y a pas une chose qu'Allah il ignore عز وجل. قال ابن تيمين ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم. Ça c'est important pour le طالب العلم et qui médite sur ça. دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذ تدبر المعنى. Bien sûr, avec cette condition. إذ تدبر المعنى. Si médite. هذا nous, on doit prendre le temps dans les choses. Maintenant, les livres de Aqidah qu'on fait, nous, le but, c'est de comprendre. C'est pas on lit, et c'est quand on finit le livre. فدائما dans العلم, تتدبر. Et ça, كذلك, c'est une faïda pour toi. أن les doses que tu prends, tu dois les comprendre. إذا تدبر المعنى bien sûr avec cette condition là وفق الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. صحيح. Un dalil, si tu médites bien, bien sûr il faut des conditions, même méditer il y a des choses, si tu es faible en langue arabe, tu es faible dans le ilm, il y a des choses tu n'arriveras pas à méditer. لكن نحن le fait de méditer ça implique طلب العلم. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا تدبر المعنى أي tu fais des efforts dans العلم. Et plus tu feras des efforts, plus tu auras des facilités à retirer des فوائد du Coran et de la Sunna. الشيخ ابن عثيمين l'a cité un مثال. Dans le شرح, après avoir cité ce qu'on a lu dans le متن, قال dans le شرح, رحمه الله, قال ومثال ذلك إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع. Est-ce qu'il est permis à celui qui fait le jeûne de se réveiller? Ah oui, il est déjà réveillé, lakin après le fajr, il est en état de janaba. Hal yajouz? C'est quelle réponse? Et bel iltizam, tu peux trouver la réponse même si tu ne connais pas l'aya. Bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Avec cette aya, il y a un iltizam, il y a un lazim, c'est permis ou c'est pas permis. Indaman, kulu wa shrabu, ça englobe kadalik al-jima. T'as le droit de manger, boire, et tout le reste, tout ce qui est permis, al-jima, c'est permis, la nuit. Qal, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Aïe, jusqu'à que le fajr, il apparaît. Al-an, hada, ça va impliquer quoi? On revient à notre question. Est-ce qu'il est permis au sa'im d'être junub après le fajr? Ça va impliquer quoi? Ahsant. Le fajr, il est à 5h du matin. Matalan, il a eu des rapports. À 5h du matin, il s'est arrêté. Léana, le fajr, il est monté. Il a vu le fajr, il s'est monté, il s'est arrêté. Là, chaque que le temps qu'il chauffe l'eau, où il va à la douche, il a arrêté, il va être 5h01, 5h02, 5h05. Khalas, c'est le fajr. Est-ce qu'on lui dit, taqillah, t'es en Genève? Là, il a le droit. Il fait le rousse, et après, il va au masjid. Il va faire le fajr. Comme il faisait le Nabi, alayhi salam. Tu l'as pris d'où ça? D'où cette aya? Léana, si tu as le droit de faire des rapports jusqu'au Fajr, ça implique qu'après le Fajr, tu seras en état de janab. Ça, c'est dalalat al-iltizam. Cheikh Ibn Taymiyyah l'a pris cette ayah. S'il lui demande, ou alors il n'a pas un dalil clair sur ça, il dit Allah, il a autorisé à faire les rapports jusqu'au Fajr. Ça implique que si le Fajr est monté, je dois m'arrêter. Dès que je m'arrête, le Fajr il est levé, je suis en janab. Est-ce que c'est haram là? Parce que qaïda, elle est simple, jama'a. Faites la révision. Et nous, on simplifie. Anna awwalan, tu dois savoir, anna cette qaïda, c'est sur dalalat al-anfad. Que ce soit les noms d'Allah ou autre. Et quand tu as un nom, ça peut être bil mutabaqa. Et elle montre cette chose, toute sa ma'na. Maintenant, la maison, on cite tout. Le toit, les chambres, la cuisine, on décrit cette maison. Ça, c'est al mutabaqa. Et tout ce qu'elle renferme. At-tadhammun, c'est une partie, faqat. Une partie de cette chose. Que ce soit maison, voiture ou autre. Al-iltizam, ce que ça implique. Chaque nom, il va impliquer une chose. Et demain, bi'idnillah, il a cité une mas'ala importante fi al-lazim et on la lira demain. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.